Chapitre 28e, mercredi 24 avril. De grand matin, en me promenant sur mes terrasses, qui sont à compartiments, à recoins étagés, je découvre une nouvelle dépendance de ce domaine des toits communiquant avec la partie déjà connue par un pan de mur que je n'avais pas encore eu l'idée d'enjamber. C'est un nouveau petit promenoir carré tout à fait choisi pour se tenir à l'ombre pendant les premières heures du jour, tandis qu'on est si bien sur l'autre pour regarder coucher le soleil sur les lointains fuyants de la ville basse. J'ai de ce nouvel observatoire une vue toute différente. D'abord, des échappées indiscrètes sur des maisons proches dominant la mienne, échafaudant leurs terrasses et leurs pans de mur sur le ciel bleu. Comme c'est le matin, les ménagères de ces maisons-là ont, suivant l'usage, étalé sur des cordes, au soleil et à l'air pur, des couvertures rayées, des coussins bariolés, toutes sortes d'objets de literie qui viennent de servir pendant la nuit et dont les vives couleurs éclatent sur le gris fendillé des vieux murs. Au-dessus de ces choses, un palmier lointain montre le petit bouquet de plumes de sa tête et plus haut encore grimpe un morceau de montagne, tout bleuï d'aloès, avec des tombeaux, des ruines, des coups bas de saints personnages défunts, tout un cimetière perché au-dessus de la ville. Je me promène et je regarde. Mais voici, derrière un petit mur, à deux pas de moi, un bout de chiffon doré qui brille et qui remue, puis qui monte doucement, doucement, avec des précautions infinies. Une entouse de femmes. Une de mes voisines, évidemment, qui a entendu marcher et qui a la curiosité de savoir qui ce peut bien être. Je ne bouge plus, subitement pétrifié. La coiffure dorée monte toujours. Puis voilà qu'émerge une ferronnière de sequins, des cheveux, un front, des sourcils noirs, de grands yeux qui m'ont vu. Coucou, c'est fini. Disparu la belle, comme un guignol, une marionnette qui retombe. Je reste là, cependant, devinant bien qu'elle n'est pas partie. Et en effet, de nouveau, voici l'entouse qui monte, puis toute la figure, cette fois, paraît, et effrontément me regarde, avec un demi-sourire de curiosité scandalisée. Elle est charmante, cette voisine, entrevue dans ce mystère et avec cette coiffure d'or sur ce fond de ruine. Mais vraiment, nous sommes trop près l'un de l'autre, et j'ai tort de me tenir là. J'en suis gêné moi-même, et pour ne pas prolonger cette première présentation, je me retire sur ma terrasse inférieure, où j'ai d'autres voisines déjà plus apprivoisées. Là, du reste, c'est bien moins intime. Au lieu d'un échafaudage de quelques maisons surmontées d'un cimetière lointain, j'ai sous mes pieds tout le panorama de Fès, avec ses jardins, ses murailles, et le neigeux atlas au fond du tableau. C'est un immense décor complet, sur lequel mon indiscrétion, moins particularisée, me semble plus admissible. Là, en général, quand je parais, les petits murs d'alentour se garnissent de têtes de femmes, toujours oisives et curieuses d'examiner le voisin d'une espèce rare que je suis pour elles. Les airs de gazelle effrayés, la sauvagerie des premiers jours, ont disparu très vite. Ce qui serait une énormité d'imprudence coupable avec un musulman semble sans danger avec moi, qu'il ne le dirait à personne et qui d'ailleurs va repartir bientôt pour si loin pour mon pays fantastique. L'essentiel est que les maris n'en sachent rien. Et on me regarde, on me sourit, on me fait « bonjour, bonjour ». Même on vient de me montrer à petite distance différents objets, pour savoir comment je les trouve, des parures de bras ou de poitrine, des gazes dorées pour recouvrir les entouses. Et mes gants sont un sujet d'étonnement extrême. « Oh, as-tu vu ?» disent les belles. « Il a des mains à deux peaux. » J'habite un quartier de riches. Aussi, toutes ces femmes n'ont-elles du matin au soir rien à faire qu'à amuser, à tour de rôle, leur époux. L'une d'elles, qui appartient à un de mes voisins les plus proches, a des allures de bête captive. Elle passe des heures seule, assise en équilibre au sommet aigu d'un mur, profilée sur le ciel, immobile et indifférente à tout, même à la curiosité de me voir. Pas absolument jolie, surtout au premier aspect, mais svelte et admirablement modelée, jeune et étrange, avec des yeux d'ombre, que l'on devine cernés par quelques troublantes fatigues. Elle est à son poste ce matin, bras nus, jambes croisées et nues aussi jusqu'aux genoux. À ses chevilles, très fines, pèsent de lourds anneaux grossiers, et de vieilles babouches quelconques tiennent mal à ses pieds tout petits et exquis. Ses yeux sont plus enfoncés que de coutume, plus mauvais, et on dirait qu'elle a pleuré. Je suis sûr que c'est elle qui a reçu cette nuit la bastonnade. À travers mon mur, j'ai entendu les coups et pendant une heure après, des pleurs et des cris de rage. Puis j'aperçois une figure nouvelle. Une grande jeune fille brune, tête nue, avec de longues tresses, de cheveux admirables. D'où vient-elle, cette recrue? Quel est le riche voisin qui a acheté sa jeunesse ardente et ses reins superbes? Un profil droit et dur. Des yeux très allongés, à peine ouverts, obscurs et sensuels. Un air hautain, un air sauvage. Son bras, qui est nu, serait à lui seul une merveilleuse chose à sculpter ou à peindre. Après une minute de frayeur, elle prend, elle aussi, le parti de me regarder en face, semblant me dire « Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi viens-tu gêner les femmes dans leur domaine des toits ?» Alors je retourne regarder l'autre, la solitaire, qui fait toujours sa méchante et sa révoltée sur son coin de mur. Décidément, elle a ce genre d'irrégularité et de laideur de premier aspect qui finit quelquefois, à la longue, par devenir pour nous le charme suprême. Elle a ses lèvres aux contours fins et fermes, aux coins très profonds, qui sont souvent toute la beauté attirante et mortelle d'un visage de femme. Voici que l'idée qu'elle a été battue et qu'elle le sera encore m'est extrêmement pénible ce matin. J'ai une sorte de dépit à sentir entre nous de si redoutables barrières quand nous sommes si près, nous voyant chaque jour. Je voudrais pouvoir l'empêcher de pleurer et de souffrir, lui apporter seulement un peu de bien-être physique et de repos. Et c'est là, du reste, un genre de pitié dont je ne me fais aucun mérite, mais qui me confond plutôt, car je me rends parfaitement compte que je m'inquiéterais moins d'elle et de son chagrin si elle n'avait pas cette bouche délicieuse. La toute-puissante influence du charme extérieur s'exerce sur ceux de nos sentiments qui devraient en être le plus affranchis, tellement que nous pouvons être plus ou moins bons pour telle ou telle créature, suivant son visage et sa forme. 10 heures, le moment de s'habiller pour aller déjeuner chez le ministre, à l'ambassade. Et c'est un de mes amusements d'y aller en costume arabe. Là, dans les allées du jardin d'oranger, ou dans la cour aux arceaux dentelés, il fait beau promener ses burnous, ses cafetans, sur les pavés de faïence, et se prendre un moment pour un personnage d'Alhambra. Le soleil a séché les bouts de la ville et éclairci la teinte des vieux murs. Dans l'obscurité des petites rues, de longs rayons magnifiques tombent çà et là sur la blancheur des voiles ou des burnous qui passent. Précédé d'un ou deux domestiques, un homme comme il faut, je sors de ma maison avec la lenteur grave qui convient au lieu où je suis, au costume que j'ai adopté. Quand j'ai tiré derrière moi par son lourd frappoir ma toute petite porte cloutée et bardée de fer, je fais grincer, dans la serrure vieille de plusieurs siècles, une clé qui pèse 3 livres. Puis je m'en vais, d'abord par d'étroits passages couverts, qui semblent plutôt des chemins de ronde que des rues, et où l'on devine pourtant, à je ne sais quelle transparence de la pénombre, le calme resplendissement de lumière qu'il doit y avoir ailleurs, là où le ciel paraît. Je rencontre 2 ou 3 passants qui marchent comme moi, pieds nus, sans faire de bruit. Au moment où nous nous croisons, chacun de nous se plaque au mur, effaçant les épaules, et cependant nos voiles se frôlent. 2 fois, je tourne sur ma droite. Je traverse un petit bazar de fruits et de légumes, également couvert. Puis, sur ma gauche, j'arrive dans une rue plus large, à l'air libre, celle-ci, et où je vois enfin l'incomparable ciel bleu, entre 2 rangs de vieilles murailles blanches, qui sont des murailles de mosquées. Le côté du ciel est éblouissant. Le côté de l'ombre est bleuâtre et comme cendré. Un peu abandonnées et en ruine toutes 2, la mosquée de droite et la mosquée de gauche. Mais au milieu de leurs murs, informes sous les recrépissages et les couches de chaux, leurs portes sont demeurées intactes et délicieuses. Elles ont gardé leurs encadrements de mosaïque, leurs rosaces étrangement compliquées ou bien toutes simples, comme de larges marguerites épanouies, leur série de dessins étoilés dont les 1000 facettes de faïence brillent de couleurs très vieilles et pourtant très fraîches. À quelques pas plus loin, le mur de l'ombre se crevasse du haut en bas, puis cesse, complètement éboulé, laissant voir une sainte cour où des morts dorment sous des dalles de mosaïque envahies par l'herbe et les pavots sauvages. Et d'ailleurs, en passant là, il faut obliquer du côté du soleil, pour éviter certaines cigognes censées s'occuper à faire son ménage, dans un immense nid au bout d'un tout petit minaret, et qui vous jette sur la tête des brins d'herbe sèche ou des plâtras. Oh, l'ensoleillement, et l'immobilité, et le mystère, et le charme de tout cela, comment le dire ? c'est peut-être ce coin, maintenant si familier, qui restera le plus longtemps gravé dans mon souvenir, sans qu'il me soit jamais possible d'expliquer pourquoi. Je ne sais d'où vient que j'ai eu un tel enchantement à traverser chaque jour ce bout de rue, sous ce soleil encore matinal, entre ces deux vieilles mosquées. J'éprouve une sorte de jouissance d'art à me représenter tout ce que ce lieu a de peu accessible, de peu banal, et à y ajouter par ma présence un détail de plus, qui serait noté par un peintre. Je crois que c'est surtout pour le plaisir de passer là, et de m'y prendre au sérieux dans des vêtements de vizir, que j'ai ces fantaisies changeantes de cafetan rose ou de cafetan bleu pâle, voilées sous des draperies blanches, que retiennent des cordeliers en soie de couleur très recherchée. Je m'applique à être assez vraisemblable, ainsi costumé, pour que les passants ne me regardent point. Et hier, des montagnards berbères, me prenant pour un chef de la ville, m'ont ravi en me saluant en arabe. Il y a une grande dose d'enfantillage dans mon cas, je suis forcé de le reconnaître. À ceux qui hausseront les épaules, j'avouerai cependant que cela ne me semble pas sensiblement plus bête que de passer la soirée au cercle, de lire des proclamations de candidats à la chambre, ou de se complaire aux adorables élégances d'une jaquette anglaise, d'un veston. Sorti par un tournant sur la droite de cette rue préférée, j'arrive bientôt, à travers d'autres étroits couloirs, à la petite porte basse de l'habitation du ministre. Là, dès le seuil, je suis au milieu des gardes, toujours les mêmes, au milieu des caïds, des cavaliers, qui nous ont suivis depuis Tanger, et qui ont dressé leur tente parmi les rosiers fleuris du jardin, sous les orangers, sous le clair ciel bleu. Personnages tous connus, qui viennent à moi, souriant. Ils m'arrangent quelques plis de mon haïk, de mon burnou, et veulent m'initier à des raffinements d'élégance arabe, trouvant bien que je m'habille comme eux, disant « C'est bien plus joli, n'est-ce pas ?»« Oh oui, assurément. » Ils ajoutent « Si tu t'habilles comme tu es là en rentrant dans ton pays, tout le monde voudra voir des costumes du Maroc. » Ça, non, je ne crois pas. Je ne me représente pas très bien sur les boulevards, cette mode se généralisant. Après le jardin délicieux, un corridor où, d'entrée, j'entends le bruit de l'eau jaillissante et enfin j'arrive dans la grande cour intérieure à deux étages qui est la merveille du logis. Un pavé de mosaïque où des milliers de petits dessins bleus, jaunes, blancs et noirs brillent d'un éclat mouillé. Tout alentour, une série d'arcades mauresques festonnées en dentelle et à l'étage supérieur, au-dessus de ces cintres et de ces arabesques de pierre, une galerie en bois de cèdre tout ajourée. L'eau jaillit d'une basque en marbre blanc qui est au centre et aussi d'une exquise fontaine murale plaquée à l'un des côtés. Cette fontaine est une sorte de grande ogive de mosaïque où s'enchevêtrent des dessins étoilés d'une forme rare. Une bande de faïence blanche et noire encadre toute la broderie de ces rosaces multicolores, et au-dessus, en couronnement, des pendentifs d'une blancheur neigeuse retombent comme des stalactites de grotte. Les appartements s'ouvrent sur cette cour par d'immenses portes de cèdre. Intérieurement, les murs en sont garnis, jusqu'à mi-hauteur, de tentures mélangées, velours bleu et velours rouge, avec des broderies d'or imitant de grands arceaux. Là, je retrouve le ministre avec tous ses autres compagnons de voyage, et à sa table, servie à l'européenne, un peu de la bonne gaieté de nos repas sous la tente. Un moment, je reprends pied dans le monde moderne. Il semble que ce palais, qui est celui d'un vizir délogé pour la circonstance, soit devenu un petit recoin de la France. L'heure du café et de la cigarette d'Orient vient après. Cette heure passe à l'ombre d'une véranda à colonnes devant le très vieux kiosque du jardin enseveli sous la chaux blanche. Ici, l'on a vu sur le tranquille petit bois d'oranger entouré de hauts murs et encombré, parmi les broussailles et les roses, de tentes bédouines.